chanteur dans son imaginaire vit son cœur recouvert de lumière par un gentil clown qui passait par là. Boum et bada boum patatras. Le chanteur d'une humeur tracassière vit sa peur s'envoler en poussière. C'est un gentil clown qui passait par là. Boum et bada boum patatras. C'est la vie qui bouge, imaginez rouge. C'est la vie qui chante dans le clown. C'est la vie qui bouge, imaginez rouge. C'est la vie qui chante dans le clown. Voyageur au pays du sourire, le chanteur avait envie de rire. Car le gentil clown qui passait par là faisait badaboum patatras. Amateur de jolies ritournelles, le chanteur s'est inspiré de celle que chantait le clown qui passait par là pour faire badaboum patatras. C'est la vie qui bouge, imaginez rouge. C'est la vie qui chante dans le clown. C'est la vie qui bouge, imaginez rouge. C'est la vie qui chante dans le clown. Braves gens qui peuplez notre terre, dans le vent de votre imaginaire, vous avez un clown qui passe par là pour faire badaboum patatras.